Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. S'il fallait constituer un classement des événements importants de la Révolution française, nous serions bien embêtés. Alors, la prise de la Bastille, bien sûr, oui, le 14 juillet 1789, qui prend le pas sur la fête de la Fédération, un an plus tard, le 14 juillet 1790, qui pourtant est à l'origine de notre fête nationale, mais qui est un peu oubliée. Alors, qu'avons-nous encore? Tiens, le 21 janvier 1793, la mort du roi, le roi Louis XVI guillotiné. Bien aussi, le 22 septembre 1792, la proclamation de la Révolution française. Et puis, il y a le 20 juin 1789, le serment du jeu de paume. Ah, la Révolution est un jus bouillonnant dans lequel il est parfois difficile de se retrouver. 90 ans après la Révolution française, le 7 décembre 1879, il est de nouveau question des éco-révolutionnaires dans un journal satirique, le Tintamarre. On peut y lire « Les Normands jurent sur le cidre ». Ils appellent ça leur serment du jus de pomme. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, gouverner, une histoire de l'exercice du pouvoir. Oui, gouverner est un défi sans cesse renouvelé, mais qui prend les décisions? Qui est responsable? Comment s'opposer au pouvoir? Comment se libérer pour gouverner? Gouverner par la science, par les arts ou encore gouverner sans culotte? Voici une histoire de l'exercice du pouvoir. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à 7 jours majeurs de notre histoire, de l'histoire de France. Ces 7 jours s'étendent du 17 au 23 juin 1789. Et pour nous en parler avec nous aujourd'hui, Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Emmanuel de Varesquiel, vous êtes professeur à l'École pratique des hautes études, vous êtes l'auteur, disons-le, d'une œuvre imposante sur la Révolution, l'Empire et la Restauration. Mais non, mais c'est vrai, je regarde quand dans votre ouvrage, je vois qu'il faut plusieurs pages pour mettre tous vos titres, c'est important. De ceux que je voudrais citer, c'est ces deux biographies qui ont fait beaucoup parler parce qu'elles étaient sublimes. Talleyrand, Le Prince Immobile, et puis Fouché, Les Silences de la Pieuvre, paru chez Fayard Talandier. Et puis plus récemment, J'ai tout vu sur Stendhal. J'ai tant vu le soleil. Voilà, je recherchais le titre. J'ai tant vu le soleil. Il est intéressant, Stendhal, parce que justement, j'évoquais ces différents régimes que vous avez étudiés, que ce soit la Révolution, l'Empire, la Restauration, et à travers la littérature, et pas seulement, parce que Stendhal n'est pas qu'un auteur. Il y a un regard à porter sur cette période qui est une période folle, sur un temps assez long, fin 18e siècle, et puis qui s'étend jusqu'au milieu 19e. Pourquoi d'un seul coup Emmanuel de Varesquiel resserrait ce temps à 7 jours, 17-23 juin 1789 ? Voilà, c'est une sorte de semaine sainte à l'envers, si vous voulez, où c'est la semaine de la sacralité de la République en gestation, parce que en 7 jours, on assiste à quelque chose d'absolument inouï, une révolution qui procède à un changement de souveraineté, un basculement absolu et un passage de la souveraineté du roi à la nation. La nation naît, la révolution s'inscrit dans un cycle révolutionnaire qui traverse toute la seconde moitié du XVIIIe siècle, la révolution américaine, et puis ensuite la révolution hollandaise, et puis Genève en 1782, et puis ensuite la révolution brabançonne, en Belgique, en 1788 et 89, mais elle a ce site spécifique, la Révolution française, c'est qu'elle est brutale, très rapide, absolutiste, quelquefois assez peu bienveillante, et qu'elle porte déjà en elle une part de violence qu'on retrouvera par la suite en 91 et surtout 93 et 94. Oui, dans votre ouvrage, Emmanuel de Varesquiel, 7 jours, 17, 23 juin 1789, la France entre en révolution, paru chez Talandier. Effectivement, le temps étudié est une semaine, mais en réalité, quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que sans cesse vous regardez évidemment vers le passé et puis vers le futur de cette folle semaine de 1789. La Révolution est souvent réduite à quelques événements majeurs, la prise de la Bastille comme une évidence, éventuellement la mort du roi, la terreur. Mais dans cette période du début de la Révolution, j'ai presque envie de dire du avant, vu qu'on est avant le 14 juillet 1789, j'ai envie de dire qu'il y a déjà tout. Oui, c'est la séquence fondatrice, si vous voulez. Ça se passe en... C'est 3-7 et match, quoi. Premier set, c'est le 17 juin 1789, le moment où ce sont les États généraux qui ont été convoqués par Louis XVI, donc qui se sont réunis à partir du 5 mai 1789, qui sont bloqués entre l'ordre de la noblesse, l'ordre du clergé et l'ordre du tiers-État. Le tiers-État donc décide le 17 juin de se constituer en Assemblée nationale. Et puis il prend un deuxième décret en enlevant une grande part de ses prérogatives au roi, de son pouvoir régalien, c'est qu'ils mettent la dette publique sous la protection et l'honneur de la nation française, en interdisant au roi de lever quelque impôt que ce soit. L'impôt relève définitivement de la nation. Donc ça, c'est la première étape de ce renversement de souveraineté du roi à la nation. La nation se déclare et se constitue souveraine contre le roi, et contre les ordres, entre guillemets, dits privilégiés, que sont la noblesse et le clergé, qui, en nombre d'habitants, représentent peu de monde, c'est à peu près 500 000 personnes, 200 000 pour le clergé, 350 000 pour la noblesse, sur 25 millions d'habitants, mais par rapport à l'organisation sociale de l'Ancien Régime, sont les deux premiers ordres du royaume, et donc on constitue un élément politique et social extrêmement dominant et extrêmement important. Donc ça, c'est le premier acte, premier set. Le deuxième set, c'est le 20 juin, le roi tente de reprendre la main, donc décide d'organiser une séance royale pour annoncer des réformes qui viendraient de lui, et non pas des députés du tiers-État, et pour ce faire, mais c'est une sorte d'artifice assez misérable de la part du pouvoir royal, il fait fermer la grande salle commune des États généraux, et de façon à pouvoir s'y produire. Donc on remonte l'estrade, le dais royal, qui est le dais qui a été repris du sacre de Reims en 1775. Et cette fermeture provoque le deuxième set, si j'ose dire, les députés trouvant porte close à l'entrée des menus plaisirs, donc des États généraux, se rendent au jeu de paume, qui se trouve à quelques encablures, à quelques pas de là, et jurent de ne jamais se séparer, c'est le fameux serment, avant d'avoir donné une constitution au royaume. Donc, deuxième set. Le troisième set, le roi, après avoir tergiversé et l'avoir retardé, finit par se produire devant les députés des États généraux, les trois ordres, le 23 juin 1789, et après avoir énoncé, on en reparlera probablement, un train de réforme assez considérable par ailleurs, demande aux députés de se séparer, donc de continuer à siéger, non pas par tête en assemblée commune, mais par ordre, et demande aux députés de quitter la salle. Le clergé et la noblesse, une partie du clergé en tout cas, et la noblesse s'exécute. Le tiers-État refuse, après le départ du roi qui rentre dans son palais de Versailles, refuse de quitter la salle, et c'est la fameuse algarade que tout le monde connaît et que François Mitterrand a demandé à l'époque où il était président de la République qu'on l'enseigne aux enfants des écoles françaises, le fameux face-à-face de Drebrézé, qui est le grand maître des cérémonies de Louis XVI, qui vient demander à Bailly, le président de l'Assemblée nationale, de se retirer, et l'arrivée de Mirabeau, qui répond à Drebrézé, nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, mot qui a été fabriqué pour l'histoire par la suite, et que dans la formulation que nous connaissons aujourd'hui, n'a jamais été prononcé par Mirabeau. Car ce qui est absolument passionnant dans cette semaine décisive, dans cette promesse de 1789, c'est que, étant donné la façon dont les choses se sont passées, dans une certaine, sous le coup de la peur, dans une certaine anarchie, on peut dire les choses, c'est qu'elle a été progressivement réinventée comme l'élément décisif de la légitimité d'une république en train d'advenir et qui adviendra en effet en 1792. Donc ce qui est passionnant dans cette semaine, c'est à la fois la façon, quand on va aux sources et qu'on regarde les journaux souvent inédits des députés et des États généraux, c'est d'essayer de comprendre la façon dont les choses se sont passées, mais aussi d'essayer de comprendre la façon dont les choses ont été reconstruites, reformulées, réinventé pour faire de cette semaine l'acte fondateur de ce qui deviendra la République en septembre 1792. C'est ce qui est passionnant en fait dans cet ouvrage, hein, 7 jours, Emmanuel de Varesquiel, c'est ce jeu de va-et-vient entre le présent de juin 1789, son passé aussi, l'ancien régime, l'expression est même tardive, son futur écho jusqu'à aujourd'hui encore, et puis ses différents regards avec un très attiré entre la monarchie, on ne disait pas encore l'ancien régime, l'expression ancien régime est un peu plus tardive d'ailleurs. Oui, hein. Mais elle arrive très vite. Elle arrive très vite, et l'ancien régime qui est évidemment honni par les révolutionnaires, et nous en sommes encore aujourd'hui les héritiers, il faut malgré tout rappeler que cet ancien régime n'est pas un régime sans règles. Le roi est un roi absolu, de droit divin, mais le roi ne fait pas tout ce qu'il veut. Et c'est important déjà de comprendre cela pour comprendre aussi cette rupture de juin 1789. Oui, on a confondu sous la Révolution et on confond encore l'absolutisme, le despotisme et encore plus le totalitarisme ou les totalitarismes du XXe siècle. L'absolutisme n'a rien à voir avec tout ça. L'absolutisme, c'est le gouvernement d'un seul, mais c'est un gouvernement, pour reprendre l'expression de Nicolas Moreau, qui est l'un des derniers théoriciens, qui était précepteur d'ailleurs de Louis XVI, un des derniers théoriciens de l'absolutisme d'ancien régime, un gouvernement tempéré par les lois et où les décisions royales qui sont prises en conseil par ailleurs avec les avis divergents qui peuvent survenir au sein du conseil royal qui passent à travers une cascade de corps intermédiaires et qui suit des décisions qui suivent des voies très diverses en fonction des situations des uns et des autres, des provinces, des communautés de villes, des ordres et qui respectent ce qu'on appelait l'antique constitution du royaume, qui est faite d'exemptions, de libertés au pluriel, de privilèges qui ne touchent pas seulement les ordres dits privilégiés, c'est-à-dire la noblesse et le clergé, mais qui touchent l'ensemble de la population. Si vous voulez, par la force des choses, d'autant plus que ces décisions royales doivent être enregistrées par les parlements, corps intermédiaire essentiel, et dont le rôle, qui joue un rôle essentiel aussi dans les débuts de la Révolution française, ce qui fait que cette monarchie dite d'ancien régime n'a pas grand-chose à voir avec une forme de despotisme, mais que cet absolutisme est un absolutisme tempéré. Et puis d'ailleurs, nous le voyons de manière factuelle, le fait que le roi Louis XVI convoque les États généraux, donc qui se réunissent au mois de mai 1789, montre que le roi s'adresse à sa population, réunit sa population sous la forme, Emmanuel de Varesquiel vous l'avez rappelé, des trois ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-état. La question c'est comment vote-t-on ? Vote-t-on par ordre ou par tête ? C'est intéressant et c'est facile à comprendre. Si on vote par ordre, ça fait noblesse 1, clergé 1, donc ils sont privilégiés, ils ont deux voix. Le tiers état 1, ils perdent à tous les coups. Si on vote par tête, ah, le tiers état est plus nombreux, donc là, le tiers état peut gagner. C'est la grande question, c'est le sujet de conversation à Versailles au mois de mai-juin 1789. Oui. Louis XVI est forcé, au fond, est contraint à la convocation des États généraux. Il le fait à contre-cœur, il les redoute, mais il les convoque pour des raisons qui sont dans son esprit, mais ce sont les causes immédiates de la Révolution française, qui sont des raisons financières. L'engagement du royaume auprès des insurgents américains contre l'Angleterre en 1778-1783 a été extrêmement coûteux. D'abord, la monarchie est endettée depuis le règne de Louis XIV et bien avant, et on n'a jamais aligné les dépenses sur les recettes, mais plutôt le contraire. Et donc, on est au bord de la banqueroute, et on l'a frisé en 1770, puis à nouveau en 1787, et Louis XVI n'a pas d'autre choix que de convoquer les États généraux d'une part, et de prendre comme principal ministre un homme qu'il n'aime pas, et qu'il a déjà renvoyé une première fois en 1781, qui est Jacques Necker, qui est un banquier suisse protestant, ça fait quand même beaucoup du point de vue de la cour et de la royauté, mais qui a montré sa capacité du point de vue de la levée des impôts. Et donc c'est si vous voulez le recours de la dernière chance pour Louis XVI, qui déteste Necker et qui craint les États généraux, mais qui après avoir affronté les parlements qui ont bloqué ses velléités de réforme, notamment autour de cette question qui traverse tout le XVIIIe siècle de l'égalité fiscale, qui n'a pas d'autre choix que de les convoquer. La convocation est quelque chose de très curieuse dans la mesure où le roi prend un risque immense. D'abord, cette convocation se fait sur le principe de l'élection, ce qui est quand même tout à fait nouveau. C'était pas le cas. On était plus dans un principe de cooptation lors des précédents états généraux qui remontent à 1614, c'est-à-dire très loin hein, en arrière. Donc déjà, prendre le risque de l'élection qui est un risque de légitimation des députés qui ont l'onction de l'élection. C'est un truc complètement nouveau hein, du point de vue de la royauté. Et d'autre part, et on n'imagine pas ça une seconde aujourd'hui sous la Ve République, le gouvernement royal ne prend aucune disposition pour avancer ses propres candidats. À tel point d'ailleurs que tout ce qui touche à l'administration royale est écarté des assemblées électorales du tiers-état, ce qui est absolument inouï. Donc le roi, si vous voulez, lâche, si j'ose dire, dans une vaste cour de récréation, une bonne partie de la bourgeoisie, de la paysannerie, en leur remettant les cartes en main. Et en leur accordant quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure, que vous avez évoqué, c'est le doublement de la représentation du tiers-état. Donc les députés du tiers sont 600, ceux du clergé 300 et ceux de la noblesse 300. Ce qui veut dire que l'enjeu majeur lorsque les trois ordres se réunissent à Versailles le 5 mai 1789 est celui de savoir si on va voter, comme vous l'avez très justement dit, par ordre, avec un droit de veto d'un ordre sur l'autre, ou par tête en Assemblée Générale, ce qui donnera naturellement la majorité au tiers-état, dans la mesure même où une minorité de la noblesse lui est favorable, de même qu'au sein de l'ordre du clergé, nombreux sont les curés, qui représentent les deux tiers des députés du clergé, qui également se montrent favorables aux députés du tiers, qui arrivent à Versailles le 5 mai, en parlant de constitution, sans véritablement savoir ce qu'on y mettra. Ils pensent tous que des réformes sont absolument nécessaires, mais en réalité, le 5 mai 1789, les jeux ne sont pas faits. Mon siège n'est pas fait, comme disait l'abbé de Vertot à Louis XV après avoir écrit l'histoire du siège de Malte. Deux modèles se présentent, un modèle réformiste ou un modèle révolutionnaire. Et on ne sait pas, et les députés, une grande majorité des députés du tiers-état qui arrivent à Versailles fin avril, début mai, ne savent pas exactement ce qui va se passer. Oui, parce que nous connaissons la suite, bien évidemment, sûr. Et ça c'est notre avantage parce que le temps a passé, nous avons lu des livres d'histoire, notamment les vôtres. On ne naît pas révolutionnaire, on le devient. Et c'est ça, c'est que nous sommes en juin 1789 et tout est possible, tout est envisageable. Est-ce que l'impossible est envisageable, c'est-à-dire de renverser le roi? Ce n'est pas du tout cette question-là en fait en 1789 à Versailles. Le roi est une évidence, il faut le rappeler, parce que dans une lecture qui synthétise toute la Révolution française, nous avons la violence et puis la fin de la monarchie. Non, en juin 1789, ce n'est pas du tout ça. Non, bien entendu, les députés du tiers-état sont royalistes, mais ils ont une conception de la royauté qui va évoluer très rapidement pour une raison qui est une raison sociale et non pas tant une raison politique. Au fond, ce qui se passe au tournant de l'année 88 et 89 et au moment où les députés des États se réunissent aux États généraux, c'est un basculement de la contestation. La contestation porte sur ce qu'on appelle le despotisme ministériel, l'absolutisme monarchique. On veut des réformes politiques. Et puis, les esprits se tendant, ce combat contre le despotisme ministériel se transforme en un combat pour l'égalité sociale. Et ça, c'est les premiers mois de 1789 qui sont des mois potentiellement révolutionnaires où le royaume est traversé par une série considérable d'émeutes. Entre 1730 et 1735, on relève 200 émeutes dans le royaume. Entre 1786 et 1789, 900 émeutes. Tout le royaume est en ébullition à partir de février et mars pour toutes sortes de raisons, qui sont des raisons de mauvaise récolte, donc crise frumentaire, des raisons fiscales bien entendu, mais aussi des raisons égalitaires. Et c'est ce tournant égalitaire qui explique ce qui va se passer aux États généraux et la façon dont le modèle réformiste va se transformer progressivement en modèle révolutionnaire, car le décret qui est pris le 17 juin est, à proprement parler, un décret révolutionnaire. Alors, quel est ce décret du 17 juin, Emmanuel de Varesquiel? C'est la date que vous avez choisie dans ces 7 jours, la date qui débute cette semaine, le 17 juin 1789. Les députés se constituent souverains. Les députés représentant la nation, qui, au fond, n'avaient pas tant réfléchi que ça à ce principe de délégation. Quelques-uns l'ont fait pour eux, en particulier Sieyès, dans cette fameuse brochure publiée en janvier 1789, « Qu'est-ce que le tiers-état ?», qui est l'un des rares et l'un des seuls, avec quelques autres comme le pasteur Rabaut Saint-Étienne et quelques-uns, à réfléchir sur ce principe de l'application politique de la souveraineté nationale, une application par délégation, par représentation. Sieyès l'invente sur un modèle économique anglais, Adam Smith, c'est-à-dire une délégation d'intérêts, au fond. C'est comme ça qu'il le voit. Et sur ce principe-là, les députés du tiers-État, sur une motion portée par Sieyès le 16 juin 1789, se déclarent Assemblée souveraine, Assemblée nationale souveraine. Et c'est là, le renversement de souveraineté, il est là. Et il nous passionne dans le cours de l'histoire. Hein, toute la semaine, nous réfléchissons à ce que signifie gouverner. Et aujourd'hui, nous avons un moment exceptionnel sur la réflexion autour de gouverner. Et là, nous sommes sur une journée, le 17 juin 1789, à vous écouter, Emmanuel de Varesquiel, quand vous évoquez le despotisme ministériel, les réformes politiques, la volonté d'égalité sociale. Nous voyons bien que l'écho est beaucoup plus large que juste ces quelques jours de 1789. Ah, et attendez, je vous interromps, il y a un flash spécial. Le journal du jour, Charles-Nicolas Benoît. Aujourd'hui, en bref, portrait. Depuis deux jours, le tiers s'est constitué en Assemblée nationale. Il refuse aux deux autres ordres le droit de légiférer et se proclame comme seul pouvoir représentant la nation. Après s'être d'abord rallié aux propositions de Necker pour se rapprocher du tiers, le roi, sous la pression de la reine, a décidé en conseil de tout faire pour empêcher la réunion des trois ordres. Le docteur Guillotin a demandé l'ouverture des portes pour aérer la salle. L'air pesant et pestilentiel exhalé des corps de plus de 3000 personnes produira infailliblement un effet funeste sur tous les députés. En 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, la troisième chaîne de la télévision française s'était amusée à faire un journal donc de ce mois de juin 1789. Là, nous étions le 19 juin. Voyez, il n'y avait pas encore les chaînes d'infos en continu, mais c'était excellent. Déjà l'esprit. Effectivement, sur cette semaine qui vous intéresse et qui nous intéresse aussi, Emmanuel de Varesquiel, le 17 juin est une journée essentielle. Nous voyons un renversement de souveraineté. Il faut juste rappeler que c'est une monarchie. Alors, millénaire, et puis pour la forme qu'elle occupe à ce moment-là, on peut dire en tout cas centenaire. C'est une révolution. C'est une révolution dans la mesure même. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier l'événement des deux points de vue, où le roi est incapable de concevoir. Il a du mal déjà à concevoir un modèle réformiste, mais il est incapable de concevoir ce modèle révolutionnaire et ne comprend pas la signification profonde de ce renversement de souveraineté. Et au fond, la collusion qui a été prônée, entretenue pour des raisons politiques par un certain nombre de députés du roi et de la Révolution, est un trompe-l'œil dramatique qui va se terminer à Varennes le 21 juin 1791, à la suite de la fuite malheureuse du roi qui devait rejoindre une partie de ses armées qui lui était restée fidèle, l'armée de Bouillé, à Montmédy. Et ceci va mettre fin à ce quiproquo, ce que je considère moi comme un quiproquo, qui serait celui d'un roi bienveillant, d'un roi bon, favorable à la Révolution. Je pense, et je consacre un certain nombre de pages dans ce livre à Louis XVI, au gouvernement royal, à la cour, je pense que par sa formation, par son tempérament, par sa formation de prince chrétien, par son tempérament, par son intelligence politique, le roi ne voulait ni ne pouvait comprendre ce renversement de souveraineté, incroyablement brutal par ailleurs, des 17-23 juin 1789. Et ceci constitue au fond une part de la tragédie de cette semaine fondatrice de la Révolution française. Oui, parce que alors, vous utilisez le mot tragédie, Emmanuel de Varesquiel, effectivement ça se raconte. Ainsi, il y a une narration qui tient sur une chronologie extrêmement courte et nous imaginons que le roi très facilement pouvait cesser l'ensemble de ces discussions parce qu'il dispose de la force armée. Il ne le fait pas le 17 juin 1789, le tiers-État se proclame assemblée. Le roi aurait très bien pu mettre fin à tout cela. Il se contente juste donc de fermer la salle où se réunissent tous ses députés. C'est léger. Oui, comme, oui. Si vous voulez, ce qui est passionnant, parce que l'histoire c'est de la mémoire et ce sont des reconstitutions tardives. La personnalité de Louis XVI a été vue à l'aune de cette période-là. On a presque oublié le Louis XVI régnant depuis 1774, depuis la mort de son grand-père Louis XV, et on a oublié que Louis XVI au fond a été un roi de guerre. Hein. Un roi qui, au fond, redonne un certain prestige à la France face à l'Angleterre, recrée une marine française, venge un peu le traité de Paris 1763 signé par son grand-père en contraignant les Anglais à signer un second traité de Paris en 1783, regagne des comptoirs et des colonies en Inde, dans les Antilles, dans les Caraïbes avec les Antilles. Et c'est un roi, au fond, qui gouverne, de façon efficace sur un système qui était déjà celui de son ancêtre Louis XIII, qu'on appelle un système de ministeria. Un roi qui est capable de gouverner à partir du moment où il peut accorder, c'est un roi méfiant, il est méfiant et jaloux de son pouvoir, Louis XVI, à partir du moment où il peut accorder sa confiance à un principal ministre, ça a été Maurepas au début de son règne, puis ensuite son grand ministre des Affaires étrangères, qui, à tort ou à raison, l'a engagé dans cette guerre, par ailleurs ruineuse, ce qui explique un certain nombre de choses par la suite, à la veille de la Révolution, dans cette guerre contre l'Angleterre, qui était Vergennes, puis un grand ministre des Finances qui était Calonne. Vergennes meurt en 87. Calonne est disgracié la même année. Et brutalement, Louis XVI se retrouve nu, dans un certain sens. C'est-à-dire, face à un conseil divisé, le roi déteste les divisions, les contradictions au sein de son conseil. Ce n'est pas un homme de contradiction, c'est un homme qui a, je dirais, l'intelligence des réformes, mais qui n'en a pas le tempérament. Et du jour au lendemain, entre 1787 et 1789, le roi se trouve totalement nu et désemparé. D'autant plus que, familialement, il vit une épreuve très difficile qui est celle de la mort de son fils aîné, le dauphin, qui meurt le 4 juin 1789, donc en pleine ébullition et peu après l'ouverture des États généraux, ce qui représente certainement psychologiquement pour le roi et pour la reine un moment extrêmement difficile et douloureux. Hein. C'est la fameuse phrase qu'on prête à Louis XVI à l'égard des députés du tiers qui veulent absolument voir le roi alors que celui-ci commence à porter le deuil du dauphin de son fils aîné. Ces gens-là n'ont-ils pas été pères? Donc il y a une sorte de conjonction de coordination très malheureuse, un drame familial. Une famille par ailleurs divisée, son cousin le duc d'Orléans le fronde, on lui prête tous les maléfices et tous les complots possibles imaginables. On va reparler de cette notion de complot qui surgit dès le mois de juin 89. Son frère cadet, le comte de Provence et futur Louis XVIII, le soutient du bout des doigts, et son frère, le troisième des frères, le futur Charles X, le comte d'Artois, lui est un tenant de ce qui deviendra la contre-révolution. Donc le roi, dans un certain sens, est nu. Il l'est d'autant plus que son armée ne le suit pas et que son administration est en partie défaillante. Voilà, et donc le roi se trouve dans une situation psychologique, disons-le, mais enfin une tristesse personnelle que vous venez d'évoquer, Manuel de Varesquiel, avec la perte de son enfance, ce qui n'est pas rien, et face à des événements qu'il est très difficile, même, enfin, surtout pour les contemporains, de comprendre. Nous les avons nous-mêmes du mal à comprendre la rapidité. Donc, d'être plongé à Versailles en juin 1789 devait être extrêmement difficile. Et c'est cette semaine-là qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. France Culture. Cette sacrée république. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Voilà, Milena Elie qui s'est saisie en fait d'un résumé de la Révolution. Milena Elie qui réalise cette émission Le cours de l'histoire et qu'aujourd'hui à la technique Baptiste Lénard. On l'a entendu, hein, nous sommes avec Saïra qui est un peu plus tardif, c'est 1790, c'est le mouvement de la violence révolutionnaire. Ouais, et on parlait de Sieyès tout à l'heure qui est l'inventeur de cette motion du 17 juin. Et au fond, par rapport à ce qu'on a entendu là à l'instant, Sieyès résume tout en trois phrases. La première, c'est cette brochure dont on parlait. Qu'est-ce que le tiers-État? Que veut-il devenir quelque chose? Première phrase. La deuxième phrase, Sieyès sous la terreur, à la fin de la terreur, j'ai vécu. Et la troisième phrase, en 1799, puisqu'il a été question de Bonaparte tout à l'heure, c'est « je cherche un sabre ». Voilà, c'est Napoléon qui arrive à la fin et Sieyès qui rédige la Constitution quand Bonaparte arrive au pouvoir. Alors, nous sommes toujours en juin 1789. Le 17 juin, les députés du tiers-État se proclament assemblée. Le roi refuse cela et ferme la salle. Et ces députés se réunissent dans la salle du jeu de paume, autrement dit l'ancêtre du tennis. C'est une grande salle, c'est pratique. Je vous propose d'écouter ce qui s'est passé ce jour-là dans la salle du jeu de paume avec, pour guide, pas n'importe qui, François Mitterrand. Sylvain Bailly monta sur une table pour se faire entendre. Dans le climat fiévreux et enthousiaste qu'on imagine, il soumit à l'assistance l'énoncé d'un serment rédigé par Jean-Joseph Mounier, représentant du bailliage de Grenoble. Nous jurons de ne jamais nous séparer de l'Assemblée nationale et de nous réunir partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. Tous jurèrent et signèrent. Un seul s'y refusa, Martin d'Auch, député de Castelnaudary. Ainsi fut adopté ce texte simple, simple mais décisif, puisqu'il marquait la rupture avec l'ordre ancien et qu'il annonçait au monde que désormais le peuple français serait souverain en son royaume. Le peuple français souverain en son royaume, François Mitterrand, qui parlait le 20 juin 1989 pour le bicentenaire du serment du jeu de paume qui s'est tenu le 20 juin 1789. Emmanuel de Varesquiel, le président de la République, évoque ce jeu de paume. Et nous savons que ces moments de la Révolution sont souvent relus, déformés et nous en héritons. Quand vous étudiez ce serment du jeu de paume dans 7 jours que vous publiez chez Talendier, quelle est l'image du jeu de paume que vous pouvez nous présenter? Oui, c'est absolument passionnant parce que François Mitterrand s'inscrit bien entendu dans une tradition d'historiographie républicaine qui est la tradition dominante et la tradition classique. Et le rôle de l'historien, c'est d'essayer de comprendre comment les choses se sont progressivement organisées dans le temps long qui n'est pas le temps court de l'événement. Quand on se rapporte à l'événement lui-même, le climat et l'ambiance n'est pas si printanier que ça, le 20 juin 1789. Au fond, l'ambiance psychologique que portent les députés du tiers-État est une ambiance à la fois de défiance, de méfiance, de haine sociale aussi vis-à-vis des députés de la noblesse et d'une partie des députés du clergé, en tout cas le haut clergé, les évêques, etc. Et ils sont persuadés, et la rumeur court Versailles et Paris depuis plusieurs jours, que le roi a des intentions peu bienveillantes à leur égard, qu'il veut les dissoudre, éventuellement arrêter quelques leaders, notamment les Bretons, car les Bretons ont formé un club qu'on appelle le Club Breton, qui deviendra le Club des Jacobins par la suite, qui est, si vous voulez, l'aile marchande un peu de la Révolution au sein des députés du tiers-État. Et donc, il se méfie du roi, et s'il prête ce serment le 20 juin 1789, c'est en forme de défense, hein, une forme de conjuration, au fond, dans un certain sens, des députés du tiers, qui se défendent des contre les dispositions jugées malveillantes que pourrait prendre la cour, le gouvernement royal, d'où d'ailleurs les baïonnettes dont on parle sans cesse mais qui n'apparaissent jamais, y compris le 14 juillet 1789 lorsque Paris se révoltera. Donc il y a cette ambiance-là qui est décrite par peu de députés, Étienne Dumont, Creuset Latouche, le jeune Thibaudeau parle un peu de la séance du 20 juin, mais au fond, si tous les députés dans leurs journaux, qui sont très souvent envoyés à destination de leurs électeurs dans les provinces, parlent de la séance du 17 juin, qu'ils considèrent, car on prête déjà une première fois serment le 17 juin, et je pense que ce serment d'ailleurs est plus important que le serment du jeu de paume. On expliquera pourquoi c'est celui du 20 juin qui va finir par dominer. Mais en tout cas, peu de députés parlent de cette séance du jeu de paume, qu'il considère plutôt comme une séance de défense, défensive contre les menaces royales et gouvernementales. Ce n'est que par la suite, pour des raisons qui sont très politiques et qui tiennent à la façon dont la Révolution va évoluer, que la séance du jeu de paume va prendre la première place et le premier rang. Louis XVI, conseillé par Necker, bien que étant intimement, profondément hostile à la Révolution française, va tenter une opération de séduction en 1790 sur l'Assemblée nationale. Et en particulier en se présentant devant l'Assemblée qui entre-temps a été transportée à Paris après les journées des 5 et 6 octobre 1789, avec le roi lui-même d'ailleurs qui est en partie plus ou moins enfermé aux Tuileries. Il va se présenter début février 1790 devant les députés de l'Assemblée nationale pour, dans un certain sens, prêter serment aux premiers articles constitutionnels qui ont été votés par ces députés. Et puis, cette démarche va connaître, dans un sens, une forme d'apothéose à l'occasion de cette fameuse fête de la Fédération dont vous parliez tout à l'heure, le 14 juillet 1790, où, dans un sens, le roi n'a jamais été plus populaire qu'à ce moment-là. Et au fond, les députés les plus radicaux de l'Assemblée nationale, l'aile gauche de l'Assemblée nationale, va chercher à diviser l'Assemblée du roi pour montrer que l'Assemblée est devenue souveraine par elle-même et non pas par un accord. Elle n'est pas contractuelle, cette souveraineté. Elle est unilatérale dans un certain sens. Et pour ce faire, ils vont mettre en avant le serment du jeu de paume. Cela commence au club des Jacobins, lorsque Dubois Crancé, l'un des protagonistes du jeu de paume, futur conventionnel et futur régicide, va porter à la tribune du club des Jacobins une motion en demandant qu'une souscription nationale soit organisée la fabrication, à la peinture d'une scène de représentant ce serment du jeu de paume confié au peintre David, et dans un certain sens David va fixer à jamais l'image entre guillemets d'Épinal de cette séance du jeu de paume dans le sens de l'unanimité, de l'indivisibilité de la nation, de l'enthousiasme et de l'énergie. Avec Michelet a des phrases absolument passionnantes de ce point de vue-là. La meilleure et la grande peinture d'histoire n'a jamais véritablement représenté l'histoire. Avec évidemment des éléments conjoncturels qui apparaissent dans le dessin puis la peinture de David qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé. Par exemple, la présence de Don Guerle. Je ne sais pas si les auditeurs ont en mémoire ce tableau, mais vous avez une sorte de trilogie sainte au centre du tableau, devant Bailly, qui est en effet monté sur une table, incarné par trois religieux. L'un protestant, Rabaud Saint-Étienne, le deuxième catholique, l'abbé Grégoire, et le troisième qui appartient aux ordres réguliers, qui est Don Guerle. Don Guerle est député suppléant du clergé, et ne va arriver à Versailles que bien plus tard. Mais peu importe, la difficulté, ce qui explique peut-être que David n'arrivera jamais à mener à bien l'exécution de son tableau, c'est que précisément la Révolution va trop vite et qu'il va essayer de s'en tenir à une vision allégorique en faisant de ce serment du jeu de paume le moment fondateur et souverain des débuts de la Révolution française, avec une une incapacité, au fond, à fixer définitivement la scène, dans la mesure même où, c'est la phrase de Vergniaud, la révolution est comme Saturne, elle dévore à mesure ses enfants, dans la mesure même où un certain nombre des députés qui prêtent le serment du 20 juin 1789 seront les premières victimes de la Révolution française, à commencer par Bailly, qui monte sur l'échafaud en 1793. Dans 7 jours, Emmanuel de Varesquiel, c'est ce jeu qu'on complexe, hein, entre l'événement, le travail de l'historien qui regarde les sources, et puis comment l'événement a été sans cesse relu. Et vous notez notamment que sur cette période de juin 1789, les auteurs, les chefs-d'œuvre de notre littérature qui peuvent s'intéresser à la Révolution, regardent plus souvent la terreur, la période de la Révolution française plus tardive, hein, 1793-1794. Ah, s'il y en a un qui s'est intéressé à cette période-là, c'est Alexandre Dumas, mais Alexandre Dumas tardif, hein, en 1850, dans son œuvre Ange Pitou, qui nous est lu aujourd'hui par Olivier Martineau. Le 19 juin, le roi ordonne que la salle où se réunit l'Assemblée nationale sera fermée. Mais le roi, pour accomplir un pareil coup d'État, a besoin d'un prétexte. La salle est fermée pour y faire les préparatifs d'une séance royale qui doit avoir lieu le lundi. Le 20 juin, à 7 heures du matin, le président de l'Assemblée nationale apprend qu'on ne se réunira pas ce jour-là. À 8 heures, il se rend à la porte de la salle avec grand nombre de députés. Les portes sont fermées et des sentinelles gardent les portes. La pluie tombe. On veut enfoncer les portes. Les sentinelles ont la consigne et croisent les baïonnettes. L'un propose de se réunir à la place d'armes. L'autre à Marly. Guillotin propose le jeu de paume. Guillotin. L'étrange chose que ce soit Guillotin, dont le nom en ajoutant un « e » à ce nom, sera si célèbre 4 ans plus tard. Quelle chose étrange que ce soit Guillotin qui propose le jeu de paume. Ce jeu de paume, nu, délabré, ouvert aux 4 vents, c'est la crèche de la Sœur du Christ. C'est le berceau de la Révolution. Seulement, le Christ était fils d'une femme vierge. La Révolution était fille d'une nation violée. Olivier Martineau qui lisait un extrait d'Ange Pitou d'Alexandre Dumas qui vous fait réagir Emmanuel de Varesquiel avec formidable. Bon, au-delà des qualités littéraires, c'est aussi un regard, hein, porté sur cette période extrêmement particulière cette semaine. Il participe à la construction de la légende, Dumas. Mais c'est ça, ouais. C'est cette légende. Et Emmanuel de Varesquiel, vous écrivez dans votre livre 7 jours chez Talendier, j'aime bien les oiseaux de proie. Et pourtant, je trouve à la taupe des vertus salutaires. Pour étudier, c'est beau, hein, quand même. Je trouve à la taupe des vertus salutaires. Pour étudier, en tant qu'historien, cette période qui paraît très connue. En fait, il faut être une taupe. Il faut travailler en souterrain. C'est-à-dire qu'il faut pas se placer, en tout cas, et dans ce sens, je rejoins François Furet, dont je me sens un peu l'élève putatif. Il ne faut pas se placer à l'intérieur de la Révolution. Si on se place à l'intérieur, on est laudatif d'un côté ou très critique de l'autre. Il faut essayer de l'avoir de l'extérieur et d'aller aux sources, de consulter et de regarder ces sources. Il se trouve qu'au fond, aucun de mes prédécesseurs n'a véritablement travaillé sur cette période-là, très courte, cette semaine-là, et n'a été... certains ont travaillé sur la prise de la Bastille, qui pour moi est un événement périphérique, mais peu ont travaillé sur cette période précise et n'ont été voir beaucoup ont été publiés, mais un certain nombre sont restés inédits, n'ont été voir les journaux des députés et les ont peu consultés. Donc on regarde les sources et on essaye de comprendre la façon dont, je dirais, à la fois dans l'événement et dans la psychologie des protagonistes qui ont fait cet événement, la façon dont les choses se sont passées. Et on découvre une situation qui, évidemment, est infiniment moins unanime, infiniment moins enthousiaste que ce qu'on prêtera à l'événement par la suite pour des raisons politiques et de légitimation d'une souveraineté nouvelle qui est en train de d'apparaître et de se former entre 1789 et 1792. Emmanuel de Varesquiel, nous n'avons pas évoqué les échos contemporains, nous n'avons pas évoqué les gilets jaunes qui font référence au serment du jeu de paume. Mais je pense que pour ceux qui vous ont écouté, le trait s'est fait de manière naturelle. La révolution porte à la fois évidemment des principes qui ont été placés si haut que nous continuons à essayer de les atteindre, à commencer par le principe d'égalité. Il n'était pas du tout question d'égalité sociale encore en 1789. Et puis elle porte aussi une psychologie dont nous sommes un peu les enfants tardifs. On pourrait en parler. Elle porte tant de paradoxes entre l'amnésie d'un côté et la mémoire de l'autre, entre le secret et la transparence, entre l'unité, la centralité et la périphérie, entre la liberté et l'égalité aussi, qui nous traverse. Souvent, en France, nous avons préféré abandonner une part de nos libertés au nom de l'égalité à laquelle nous tenons plus que tout. Oui, ce sont des questionnements de juin 1789 qui ont un écho contemporain. Emmanuel de Varesquiel, 7 jours, 17-23 juin 1789, la France entre en révolution chez Talandier. En est-elle sortie? Ça, c'est le lecteur qui se fera son opinion. Merci beaucoup à vous, Emmanuel de Varesquiel. Merci beaucoup, Xavier Mauduit. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quin avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, comment se raconte l'histoire de l'humanité? Pas le journal, non, l'humanité, la vraie, tout le monde, tout ça. L'histoire de l'humanité est devenue une tendance. Dans le souffle du succès planétaire de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, le best-seller de Yuval Noah Harari, ils sont nombreux à donner leur version d'une histoire de l'humanité au service d'une action possible sur l'état du monde, parmi lesquels Fabian Scheidler avec la fin de la méga-machine et Rutger Bregman avec Humanité, une histoire optimiste. Mais de quelle humanité est-il question ? Pas facile d'échapper à sa propre expérience pour celui qui nomme cette humanité, et c'est une humanité qui bien souvent lui ressemble un peu trop. Un air de famille qui replie la totalité de la vie humaine sur une culture, à un moment et à un endroit donné de son histoire. Une tentative en images, éreintée par la critique, s'est proposée de parcourir l'humanité à partir de 1955 avec l'exposition The Family of Man. Miroir de l'essentiel unité de l'homme, de la beauté et de la bonté, des bienfaits de Dieu communs à tous les hommes. Voici la famille humaine, voici la naissance de l'homme et sa mort, ses fautes et ses regrets, sa bonté et ses espoirs. L'exposition The Family of Man est créée au Musée d'art moderne de New York en 1955 avant de faire le tour du monde. Son commissaire, Edward Steichen, y propose un parcours à travers l'humanité en plus de 500 photographies de professionnels ou d'amateurs. Un récit en images de l'expérience de la vie, de la naissance à la mort, et une exposition américaine devenue patrimoine mondial par son inscription au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Cette postérité planétaire, inédite d'une exposition de photographie, a laissé quelques comptes rendus indignés sur son passage, avec peut-être le plus célèbre d'entre eux, celui de Roland Barthes, publié en 1957 parmi ses mythologies. On y trouve une critique acerbe de ce discours sur la nature humaine. Roland Barthes y souligne l'asphyxie provoquée par une description unifiante de l'expérience humaine, établie en solution pour célébrer l'humanité, mission délicate au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la naturalisation outrancière du discours que malmène Barthes avant tout. Un universalisme de l'humain, imprégné de christianisme qui nie l'évolution, réduit son histoire à une part négligeable et met en avant une nature commune à tous les peuples qui retient le visiteur à la surface d'une identité au profit d'une matrice commune, scandée en séquences inamovibles, on vit, on meurt et on travaille. Barthes s'indigne de la représentation esthétisante du geste laborieux en proposant, dans une parenthèse perfide, de comparer les motivations, les fins et les profits de l'ouvrier colonial et de l'ouvrier occidental. Nous sommes en 1957, les empires coloniaux vacillent, mais régissent encore une large partie du globe. Le critique malmène la manière dont l'exposition relativise la diversité de l'expérience humaine, un universalisme qui, intime au silence, n'est pas une solution pour faire un récit de l'humanité, bien au contraire, et il appelle à rendre le langage qui la définit à cette humanité en images. C'est en regardant comment l'homme et la femme questionnent cette nature et la transforment que l'histoire commence. Dès la naissance et jusqu'au combat contre une mort inéluctable, mais sans cesse négociée, une négociation caractéristique de l'humain. Barthes appelle à rétablir le pouvoir de transformation de l'humanité sur elle-même contre le fil narratif photographique de The Family of Man qui désarme l'humanité qu'elle prétendait célébrer en l'enfermant dans une stabilité prétendument porteuse d'un message de sagesse. Armer l'humanité contre elle-même, c'est ce que proposent les histoires contemporaines de l'humanité dans le sillage de Barthes pour interroger l'histoire de ces piliers de civilisation qui semblent indéboulonnables. Le capitalisme, les hiérarchies sociales, l'oubli de notre relation perpétuelle à la nature non humaine. Un bouleversement moral qui s'inscrit lui aussi dans l'histoire, une histoire plus ouvertement politique et critique que ne l'était The Family of Man. Merci Anaïs, on retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizio. Toute la semaine, nous nous intéressons à cette question. Gouverner, une histoire de l'exercice du pouvoir, mais qui gouverne, qui prend les décisions, qui est responsable? Demain, quand les médecins murmuraient à l'oreille des souverains, oui, demain, c'est murmurer aux oreilles des souverains par la science, c'est donc gouverner par la science.